dans ce guide d'utilisateurs d'assemblage requis. La suite de nos entrevues préférées de l'année avec Radio Radio, Chantal Archambault, Vincent Vallière et plusieurs autres. Dans ce guide de l'utilisateur d'assemblage requis. Bienvenue à ce guide d'utilisateurs d'assemblage requis, entrevue préférée, deuxième partie. Mon nom est Mathieu Plante et je suis l'animateur et le producteur exécutif d'assemblage requis. Il nous arrive souvent de recevoir des artistes en studio ou par téléphone, mais disons que certains nous marquent plus que d'autres. Dans cette émission spéciale, nous avons regroupé quelques entrevues marquantes qui ont eu lieu en 2010 dans les différentes formules d'assemblage requis, mais aussi au Palmarès C'est Fou. On commence la deuxième partie avec Alexandre Béliard, diffusion originale 23 septembre. Alexandre Béliard, vous savez peut-être, est à Trois-Rivières ce soir jeudi au Zénob à 20h, mais nous avançons là ici même au Palmarès C'est Fou, hors direct au téléphone. Salut Alexandre Béliard. Salut. Ça va bien? Ça va super bien, toi aussi? Ben oui, super. Moi aussi, devrais-je dire. Oui. Ben oui, moi aussi je suis là. Stéphanie et Mathieu, ensemble avec Alexandre Béliard. Ton nouvel album, Des fantômes, des étoiles, sorti à la fin du mois d'août, c'est bien ça? Oui, exactement, le 25 août. Commençons par la question que tout le monde se demande. Pourquoi des fantômes, des étoiles? Il y a une histoire derrière ça. Ben, en fait, ça représente bien l'album dans la mesure où c'est un album teinté de, du temps à prime abord, mais une espèce de... C'est un mix entre le deuil qui a inspiré mon album et toute la perspective de l'avenir, puis l'immensité et le temps et le fait que c'est ça, qu'on est petit dans tout ça là. Mm-hmm. Justement, le deuil et le temps, c'est vraiment des assez gros thèmes qu'on entend dans l'album. Oui, c'est suite au décès de mes grands-parents, en fait, j'ai commencé à écrire une chanson qui s'appelle L'Immortalité. Puis, ce qui m'a inspiré, en fait, c'est qu'ils sont morts à quelques jours d'intervalle. Donc, c'était un peu... c'était touchant de voir, tu sais, qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Puis, ça m'a fait réfléchir beaucoup là, sur le couple et justement, là, la durée. Puis, qu'est-ce qui se passe quand il y en a un des deux qui s'en va au bout de toutes ces années passées ensemble. Tu nous parlais d'une pièce en particulier. Moi, j'en ai une autre en tête parce que c'est le palmarès francophone et ça m'intriguait de savoir la pièce Jack l'Éventreur, etc. etc. qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette pièce-là? Ben, c'est sûr que sur l'album, sa place, c'est la faucheuse. elle représente la mort en quelque part, mais Jack, c'est un personnage que je trouve intéressant. C'est parti d'une toile que ma copine a fait dans mon recueil de poésie. J'y avais demandé d'illustrer mes textes, puis à un moment donné, elle avait fait une toile avec cette espèce de grand personnage lugubre, tout en noir, avec un chapeau haute forme, puis une grande cape, puis il y avait comme une poupée, une grande poupée de chiffon, là, grandeur nature, un peu désarticulée entre les bras, puis ça m'a fait penser à Jack l'Éventreur, puis j'ai eu envie d'écrire une chanson sur lui. J'étais allé me chercher des livres à la bibliothèque, j'ai lu sur lui pour voir qui c'était, puis pour me rendre compte que finalement, on savait pas qui c'était. Il y avait comme 13 personnes qui se réclamaient à être Jack, dont des femmes. Des femmes. Oui, Jacqueline. Il y a deux femmes, tu sais. Sur la potence qui se sont clamées à être Jack l'Éventreur. Fait qu'il y a eu des enquêtes sur ces 13 personnes-là, puis c'était comme tout est possible, donc c'est un peu inquiétant. Quelqu'un qui t'inspire apparemment, c'est Tom Waits, parce que tu as fait une reprise d'une pièce qui s'appelle I Don't Want to Grow Up de Tom Waits, ouais. Sur cet album-là. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Ben, en fait, je fais ça souvent, d'adapter des chansons en français. Je l'ai fait pour du Nirvana, du The Cure, je l'ai fait pour plein de chansons, mais c'est pas toujours bon. C'est pas toujours heureux, donc il y en a que tu gardes pour toi, mais celle-là, j'en étais bien fier, puis j'ai tellement de plaisir à la faire en concert que je voulais absolument la mettre sur l'album. T'as pris une assez longue pause avant de sortir ce troisième album-là. C'était, j'imagine, important pour toi de te ressourcer, c'est ça? Ben non, en fait, ça a été juste long parce que on a eu des... C'était un processus de mise en marché qui a été long. Okay. Le disque, lui, les chansons étaient écrites depuis longtemps déjà. C'est juste qu'il fallait trouver la bonne équipe pour le sortir. J'ai changé de maison de disque, puis donc ça, c'est des processus qui se passent pas toujours rapidement. Mm-hmm. Là, tu as eu le lancement de l'album il y a quoi, 3 semaines, 1 mois environ à Montréal? Exactement. Et là, c'est le commencement d'une tournée. Oui, ben j'ai commencé la tournée, en fait, même avant Montréal. On avait fait un pré-lancement à Charlevoix le 15 août. Puis depuis ce temps-là, j'ai dû faire une trentaine de dates. Là, ça n'arrête pas. On est à 3-4 shows par semaine. Mm-hmm. Et là, il y en a un justement qui s'en vient ce soir. Étrangement, ouais. À Trois-Rivières, drôle de raisonnement. C'est quand même, wow, t'es en entrevue avec nous autres, puis il y a un spectacle ce soir. Au Zénob, c'est bien ça. C'est une de mes places préférées. Moi, j'adore le Zénob. Ça fait plusieurs fois que j'y vais, puis il y a une âme dans cette place-là, tellement. Avec tous les poètes qui sont passés réciter là-dedans, dans le festival de poésie. Puis, fait que j'aime bien gros ça, jouer là. Spectacle intimiste. C'est ça, j'allais dire, justement. C'est super intime comme place. Il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre là, mais il y a vraiment une atmosphère qui se crée. C'est vraiment assez unique, hein? Nous autres, on va rocker la place. Je suis en compagnie de Danny Placard. Oh oui. C'est lui qui va faire le drum puis la basse. Puis bref, à deux, on est comme un band de rock. Ouais, c'est ça. Puis on a beau dire que c'est intimiste, mais en même temps, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre là tant que ça, c'est que le monde qui rentre sont là parce qu'ils veulent vraiment être là, tu sais. Ah oui, c'est vraiment, ça donne des super soirées. Là. J'ai plein de beaux souvenirs. Et même des soirées où j'ai peu de souvenirs, mais c'est des bons souvenirs quand même. Ouais. Quels autres artistes est-ce que tu aimes particulièrement ces temps-ci, tes inspirations du moment, tes coups de cœur? Ben là, c'est sûr que j'écoute beaucoup le nouveau Placard. Ouais. Il sort un disque la semaine prochaine, puis vu qu'on fait de la tournée ensemble, j'ai eu la chance de l'avoir en primeur. Fait que j'écoute pas mal ça en ce moment. J'écoute quasiment juste ça, en fait. Ouais, c'est drôle. Danny, c'est sur notre palmarès, ben, c'est justement. Ça, avec Madame Lou. Ouais, vous avez ça dans votre palmarès? Ben oui. Ouais, on l'a fait jouer tout à l'heure. Numéro 18, nouvelle entrée cette semaine. Hé, hey, Placard, t'es dans le palmarès. C'est tout. Numéro 18, t'as rien à rentrer. Génial. Qu'est-ce qui t'allume d'autre que la musique dans la vie, toi? Ah, ben, j'ai une nouvelle passion. Imagine-toi donc, j'accorde des pianos. Ah, OK. Ouais. J'ai commencé à triper sur les pianos, puis j'écris des poèmes aussi, puis m'occuper de mes enfants, puis de ma blonde aussi, je t'avoue que ça m'allume pas mal. Ça doit. Ça prend beaucoup de temps dans la vie, ça. On va parler de d'autres choses que tu fais à part la musique et le spectacle en ce moment. En novembre, tu vas être de l'événement Passe-moi la POC d'aider pour la vie. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Parle-moi donc de ça. Ben, en fait, ça, c'est pour ramasser des sous là, pour afin qu'il y ait des gens qui aient des personnes ressources pour ceux qui ont besoin d'un coup de main, qui sont en détresse psychologique ou autre, et puis qui filent pas, puis que des fois ils pensent à mettre fin à leur jour. Ben, c'est pour leur dire hey, lâche pas mon chum. Ouais, c'est bien. Et tu as un autre projet aussi qui s'appelle L'usine de la chanson, qui est assez intéressant. C'était la première édition au mois de mai dernier. C'est quoi ça? Oui, ça c'était moi, Danny Placard, là, Ski, Guy Philippe Wells, Pascal Dufour et Dom Lebeau. On est allé une semaine chez nous à l'Île Verte pour écrire des chansons ensemble. Puis au bout de la semaine, on a chanté ces chansons-là pour faire un show finalement. Fait qu'on a écrit 15 chansons en 2 jours et demi. Puis les 2 autres jours et demi, on les monte en band. Mmh. Puis le dernier jour, on fait le show. Puis là, on refait une deuxième édition cette année, là, au mois de mai encore. Oui, c'est vraiment bien. Et puis, vous allez faire un CD avec ça. Oui, ben là, on travaille là-dessus. Puis, je sais pas si le CD, ça va être juste la première édition ou si on va aussi attendre la deuxième édition. Parce que c'est pas les mêmes qui vont être là pour la deuxième. Il va y avoir notamment M. Monod et David Marin qui vont se joindre à l'aventure. Donc, on va checker ça, là. On va voir comment ça s'en va, mais les tunes sont là. Cool, cool. Juste pour revenir tantôt, on a parlé de Dédé pour la vie. On n'a pas mentionné la date, je crois. Je pense que j'ai sauté par-dessus directement au prochain sujet, mais la date de ça, en novembre? De Dédé? Ouais. Il me semble que c'est le 13 novembre, mais je suis pas certain. Je l'ai mis sur mon MySpace, là, mais je connais pas toutes mes dates. Là. J'en ai pas mal, puis j'y vais une semaine à la fois. Alors, allez visiter son MySpace à l'instant pour voir toutes les dates de spectacle. Ça va être un bien beau show, Dédé, c'est certain. Ouais. Et on peut se procurer ton album pour seulement quoi, 10$ sur iTunes? Ouais. Pas cher? Ça doit pas être bien ben plus cher en vrai. Non, c'est ça, pas tant que ça, ouais. Étrangement. À soir, là, on devrait s'organiser. Là. OK. Pour les gens Zénob. Ouais, c'est ça. T'as été découverte de la semaine sur iTunes, ça a dû aider, ça, je pense à ça. Récemment. Comment? T'as été album de la semaine sur découverte de la semaine pardon sur iTunes récemment? Ouais ben écoute j'ai pas vu les chiffres mais j'ai hâte de voir. C'est sûr que ça doit pas nuire, ça donne une belle visibilité puis ça va chercher peut-être un autre public aussi. Mm-hmm. Pour les gens qui veulent plus d'informations sur Alexandre Béliard, on disait tantôt myspace.com/AlexandreBéliard. Il y a aussi alexandrebéliard.com, un très joli site en passant. Ouais mais il est pas encore achevé là, mais le MySpace pour l'instant fait la job. Mm-hmm. Puis le .com lui, ça s'en vient là, ça va être. On travaille là-dessus. Mm-hmm. Avant de cesser, est-ce que tu veux choisir une petite pièce de ton album? Et là, tu peux choisir n'importe quoi, pas de censure ici, liberté totale, tu choisis, même si c'est longue. Ok, ben en fait, je sais pas, on avait parlé de Tom Waits tantôt, ça pourrait peut-être être cool. Ok, ben pourquoi pas, bonne idée. D'accord. Donc, le spectacle, c'est ce soir au Zénob. Exactement. On se retrouve là-bas. Voilà. J'espère que vous allez venir faire un petit tour. Ben oui. À tantôt. Merci beaucoup, Alexandre Béliard. Salut. À plus. Bye. C'était Alexandre Béliard en direct par téléphone ici dans les Palmarès Ifo 89.1 FM. On le remercie grandement de sa présence. Absolument. Et on va aller écouter une de ses pièces. Mm-hmm. Tout de suite, je refuse de grandir au 89.1 FM. C'est fou. Si je ne peux pas rêver plus loin, je refuse de grandir. Je dois vivre en fermant les poings, je refuse de grandir. Si je m'accroche à ce que j'ai sans trop m'aventurer, si j'ai peur d'être dérangé en somme, si je dois m'endetter jusqu'au cou, je refuse de grandir. Si je dois toujours faire plus de sous, je refuse de grandir. Si je regarde chaque soir la télé jusqu'à tard dans la nuit, si j'existe seulement pour acheter leur saloperie, si l'on doit tous se ressembler, je refuse de grandir. Se convertir, globaliser, je refuse de grandir. Si je ne peux plus chanter pour rien, par plaisir avec des copains, si je dois porter des vêtements confectionnés par des enfants, si ce que je mange détruit la planète, que tout donne le cancer, en fait, moi je refuse de grandir. Si demain est moins libre qu'hier, je refuse de grandir. Si on me dit que je ne peux rien y faire, je refuse de grandir. Autour de moi, les gens deviennent ce qu'ils ont voulu fuir. Si cette vie devient la mienne en somme, si j'ai peur de l'indépendance, je refuse de grandir. Si je dois craindre la différence, je refuse de grandir. Si je dois me méfier de mon voisin, simplement parce qu'il vient de loin, si on resserre le contrôle un peu partout entre l'épaule, si je dois cautionner un système qui soutient, qui répand la haine, et si la paix n'est pas humaine, moi je refuse de grandir. Alexandre Béliard avec la pièce « Je refuse de grandir », reprise de Tom Waits. J'ai entendu dire entre les branches qu'il se passait des affaires étranges. Faut-il vraiment s'en étonner? Regarde pour qui on a voté. On a voté. On a subvention de toutes sortes, moyennant chalet et escorte. Un petit tour du monde à l'œil avant de partir avec son fauteuil. Avec son fauteuil. Quand je vois les périodes de questions, c'est une vraie cour de récréation. Et dire qu'il représente la nation. Quelques petits tours et puis s'en va. Des jobs de sénateur à vie, d'ambassadeur pour les amis. qui ont rendu service au système ou simplement pour qui se la ferme. Ben, qui se la ferme. Y'en a qui font la sourde oreille et ramassent quand même leur oseille. Des comptes en banque qui explosent, des poches qui font des overdoses. Des overdoses. Quand je vois les périodes de questions, c'est une vraie cour de récréation. Et dire qu'ils représentent la nation. Quelques petits tours et puis s'en vont. J'ai entendu dire entre les branches qu'il se passait des affaires étranges. Faut-il vraiment s'en étonner quand on a ce qu'on a mérité? Faut l'assumer. Quand je vois les périodes de questions, c'est une vraie cour de récréation. Et dire qu'ils représentent la nation. Quelques petits tours et puis s'en va. Et puis s'en va. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'assemblage requis sur nos entrevues préférées de 2010. Plus tard, Dali Placard et Chanteur Chambaud, mais pour l'instant, Radio Radio. Diffusion originale, 30 septembre. On a Gabriel en entrevue présentement de Radio Radio. Salut! Salut, bonjour! Ça va bien? Ça va super! Cool! Cette année, vous avez 5 nominations au GAMIC, 5 nominations à la DISC, 3 nominations au Nova Scotia Music Awards. Donc, c'est pas mal une année occupée. Cette année, comment vous trouvez ça? On aime ça. Ah, c'est cool. C'est le fun, hein? C'est comme... Parce que le monde aime ça qu'il fait, c'est un plus, hein? C'est sûr. Puis dans le fond, est-ce que vous avez été vraiment beaucoup affecté du départ de Timo? Pas vraiment. C'était comme pas mal une évolution naturelle. Un peu comme un genre de serpent laissé sur la carapace dans la saison. La saison était venue qu'il s'en aille. Il y avait eu un enfant. Puis c'est une autre étape de sa vie. Puis pour nous, c'était une autre étape en tant que groupe. Mm-hmm. Une progression. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, avant, c'était Timo et Jacobus qui s'occupaient des textes seuls. Maintenant, est-ce que c'est Jacobus qui s'occupe de ça tout seul ou non, vous faites sans gain? C'était Jacobus et Timo, mais Alexandre, puis moi, on y fait aussi un peu. OK. Puis maintenant, c'est le Belmundo, c'est les trois, Alexandre, Jacques et moi-même. OK. Puis c'est à peu près ça. OK. Ben tant mieux, dans le fond. Tout le monde écrit leur propre texte. OK. Cool. Puis j'ai regardé sur votre site internet, c'est vraiment assez varié. Vous avez des recettes de cuisine. J'ai lu la petite recette de thon tartare hier soir. Oui. Vous avez aussi des articles sur des artistes de Tina Turner à Damien Robitaille. C'est assez spécial. Est-ce que vous essayez de vous rapprocher de votre public ou juste de donner des nouvelles de temps en temps? Ben oui, c'est de partager ta vision de la vie, ton style de vie, ce qui fait... qu'on est, c'est juste partager des belles choses. En gros, on est tous des collectionneurs de beauté dans la toute façon de la vie, même vous avec vos émissions de radio, puis nous autres, c'est comme ça, mais on se rend compte que la musique, on est des artistes avant tout, qui c'est pas juste faire des beats, on fait toutes sortes de choses, on a toutes choses à faire, ça fait qu'on monte plusieurs chapeaux, c'est ça. Cool. Puis... par ici, vous commencez à être de plus en plus populaire. Est-ce que par chez vous, on vous reconnaît quand vous faites votre épicerie ou quand vous marchez dans la rue? À Montréal? Est-ce que vous habitez à Montréal, là? Oui, on habite à Montréal. OK. On vous reconnaît quand vous marchez dans la rue? Dans la grande ville. Pas encore? Des fois. Ah, des fois. Ça va sûrement s'en venir, d'après moi. Pas trop souvent, mais des fois. Est-ce que vous suivez votre propre mode de deck shoe? En permanence? Est-ce que vous portez des deck shoes dans la rue? Of course. Bien sûr! Presque tout le temps, mais l'hiver, c'est moins évident, mais l'été, presque tous les jours. Mm-hmm. J'ai pas porté de bas pour comme 3-4 mois, quasiment. Ouais, parce que des deck shoes puis des bas, ça va pas ensemble. Non. Pas du tout. Puis justement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en plus d'avoir un style de musique assez unique, vous avez aussi le style vestimentaire, vous avez parti la mode des Dekshu. Est-ce que c'était voulu quand vous avez fait la chanson de vraiment partir la mode ou c'était juste comme ça parler de Dekshu pour le fun? Non, on n'a pas parti de mode pour des Dekshu. Ça s'en venait déjà. Parce que la tune, on venait de l'enregistrer. Un mois après, j'ai vu dans GQ Magazine, il y avait une grosse article sur... Ça, c'est pas nous autres qui a fait ça. Je pense que c'est un peu à faire avec le. On parle de tendance globale, si tu veux, de ces gens-là, comme les skateboarders ou toute la. Comme le monde, on veut être un peu plus. On veut changer de party, tu vois. Mm-hmm. C'est comme si j'étais un party de frat boy à la Cancun, puis le prochain disque Belmundo, c'était plus à la Toscane. C'est-à-dire qu'on veut voyager, on veut manger mieux, on veut se prendre gaz. Fait que Dekshu, c'est un peu le soulier qui t'emmène diversité culturelle en termes de fêtes. Tu vas aller à la plage, tu peux te promener avec des Dekshu, mais si tu vas aller à un country club, tu peux aller aussi là. Ça fait que c'est comme formel, mais informel en même temps. Ça fait que c'est comme un peu... Le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur des deux mondes, puis c'est là qu'on devrait être en tant qu'humain. On devrait être des gens avec une flexibilité puis une dextérité sociale et multiculturelle maintenant. Et justement, on vous appliquez ça à votre musique aussi. Vous êtes, on vous met souvent dans la catégorie hip-hop, comme justement au Gamic, vous êtes nominé pour album hip-hop de l'année. Mais dans le fond, votre style de musique, c'est vraiment pas juste du hip-hop. Il y a aussi de l'électro, un peu de dance, un peu de funk. C'est vraiment un peu tout. Comment vous trouvez ça être catégorisé hip-hop? Ben, nous autres, on s'attarde pas sur ce que les médias disent. Les médias font tout le temps ça. C'est toujours la job de l'industrie musicale, puis de monde que eux, c'est pour faire la business, il faut que tu catégorises. Puis c'est une show de radio qui est hip-hop, il y a une show de radio site, il faut que tu aies des sections quand tu vends tes disques. Mais nous, on s'adore pas à ça. Nous, on fait la musique tout court. Moi, j'ai toujours écouté toutes sortes de musique, pas juste du hip-hop, même que j'ai écouté moins de hip-hop que la plupart des autres sortes de musique. Ça fait qu'Alexandre aussi, puis Jacques aussi, on écoute des différents trucs. Donc, je pense que c'est juste naturel que la musique qu'on crée, ça divers backgrounds aussi. Oui, justement, tu parles que tu écoutes du hip-hop. Est-ce que tu veux nous nommer quelques artistes que tu écoutes en ce moment, peut-être faire découvrir des choses aux gens qui aiment radio? Hip-hop ou juste la musique générale? N'importe quoi. Il y a un gars qui m'a sorti un disque, son nom est Chili Gonzalez. Ah oui? Ah oui, il est dans le Exclaim qu'on vient de recevoir aujourd'hui. Il y a un gros article sur lui. Ça vaut la peine de checker. C'est un génie pianiste avant tout. Il a fait le record pour le plus long de piano, tout de suite, comme des 40 guitares straight, il jouait le piano, c'était fou. Moi, je l'ai vu à Texas, dans une église, il jouait, puis il jouait avec des gougounes, puis des bas blancs, puis une robe de chambre, avec des gants blancs de serveur. Puis c'est vraiment un génie, puis il rap aussi, il fait de la musique, puis il rap en plus. Fait que lui, il est vraiment intéressant. Aussi, il y a un gars qui s'appelle... check Zydeco, Z-I-D-E-C-O. C'est une musique cajun. C'est comme la musique cajun pour les Anglais. OK. Puis à Louisiane. Puis un gars qui s'appelle Trahan, T-R-A-H-A-N. Puis lui, c'est un gars vraiment intéressant. Puis il a sorti de la prison pas longtemps passé. C'est un jeune, comme le génie de la musique cajun, puis Zydeco. Puis il est vraiment plein d'esprit. Puis si jamais tu peux trouver tes entrevues sur le web, il est incroyable. C'est un peu comme un Born Again qui est seen a light. Puis là, quand c'est des entrevues, il inspire vraiment beaucoup. Puis sur cette note-là, on s'en va justement en Louisiane enregistrer, faire la prépa du prochain disque au mois de novembre pour 2 semaines. Ah. Déjà, prochain disque? Ben, ça va juste sortir. Plus, c'est pas garanti qu'on va le faire. C'est qu'on va arriver là, puis on va avoir le syndrome de la page blanche. Ou ce qu'on n'a jamais, mais... mais en gros, même si on enregistre tout de suite, il va seulement sortir l'année prochaine. Ça. Mais c'est quand même pas si pire, vu que Belmundo Real est sorti, ça fait pas si longtemps, il est sorti au début de mars. Donc, vous avez écrit cet été, dans le fond? Non, on écrit toujours perpétuellement, mais on fait beaucoup on the spot. OK. Ouais. On travaille toute la journée, on loue un chalet. Puis là, on fait de la musique jusqu'aux petites heures du matin. Puis tantôt, on parlait de Chili Gonzalez. Est-ce qu'il y a des artistes que vous aimez vraiment, avec qui vous aimeriez jouer un idole? C'est pas des idoles, mais on va peut-être travailler sur quelque chose avec Carquois. Ah, ça serait vraiment le fun, hein? Mm-hmm, parce que les deux perfectionnistes de Carquois font des shows avec nous autres, ils vont faire notre show avec nous autres pas Montréal ici. Puis aussi à Québec, ça fait qu'on a déjà comme un genre d'affinité avec eux autres. Ça fait que c'est quelque chose qu'on va voir dans le futur près. Assez intéressant, gagnant Polaris avec des runner-ups du prix Polaris. Ça pourrait être assez pas pire. Et cet été, vous êtes allé en Angleterre et en France. Est-ce que vous avez eu un bon accueil là-bas? Oui, l'accueil, partout où on va, vraiment, l'accueil est bon. En Texas, c'est l'accueil est incroyable. En Louisiane, la même chose. Ça fait que je pense que partout où on va, le monde, on goûte à la musique qui fait bouger les hanches, puis ouvrir les esprits, puis ouvrir les chakras. Et justement, au mois d'octobre, vous avez une dizaine d'autres spectacles, sans compter le spectacle de demain soir qui va être au D'Artagnan. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous allez faire demain? Excusez-moi, je m'excuse, je suis à la maison pour Montréal, puis il y a des disturbs, je n'ai pas entendu. Demain, vous avez le spectacle au D'Artagnan à Trois-Rivières. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer? Je peux pas vous dire. Des surprises? Des surprises. Est-ce que vous allez jouer pas mal des chansons du dernier album ou vous allez toucher aussi aux anciens? Oui, non, on fait comme... on fait les hits, si tu veux, du premier, puis... Jacuzzi et tout. Partie de Belmondo, oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Vous allez être avec Times New Romance, qui est en passant un excellent nom de band, je trouve. Oui, ils sont super cool aussi. Oui, c'est ça, vous les connaissez bien? On a joué avec eux au Soc, là, à Québec. Okay. Puis ils sont vraiment cool, vraiment sympathiques, puis ils ont une bonne vibe, eux autres aussi. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site laradioradio.com ou sur leur MySpace. Vous pouvez aller voir les autres spectacles qu'il va y avoir au mois d'octobre. Sinon, vous pouvez venir demain soir au spectacle au D'Artagnan avec Times New Romance et Radio Radio. Et c'est sûr que nous, on va être là. Oui. C'est certain. Good. Puis il y a des surprises, là, je vous dis. Là. Ah oui? On a hâte. Ça c'est excitant pas mal, les surprises comme ça. Oui, ça promet. Et on va pouvoir aussi se procurer l'album Belmondo Régal à votre spectacle de demain, j'imagine. Oui, puis les t-shirts, puis les sacs, puis les vinyles. On a des super beaux vinyles aussi. Ah! Ah! Cool! Yeah. T-shirt, tout le kit. On s'habille là-bas. Yeah. Good! Donc... Il faut l'acheter sur le site web, cependant. Comment? Le livre de recettes et de suggestions de style de vie Radio-Radio est pour la procurer sur le site web. Ah! Donc, allez voir laradioradio.com ou leur MySpace. Donc, on quitte. Oh oui, on pourrait même se quitter avec une autre pièce. Oui, est-ce qu'il y a une pièce que tu aimerais qu'on écoute de Belmondo Régal? N'importe quelle, sauf enfant spécial. Sur la gueule avant. Oh, OK. Sur la galère. Je pense qu'on l'a jamais fait jouer ça. Fait que, tant mieux. Merci beaucoup. Oui, on s'en va jouer ça tout de suite. Gabriel de Radio Radio, merci beaucoup. OK, parfait. Merci à vous. Merci. Bon spectacle demain. À demain. Bye. OK, ciao, à demain. Sur la galavante, c'est quoi c'est? Un aphrodisiaque simplifié. On se chasse un Perrier. Sur cette, c'est ma getaway. C'est romantique, le coucher de soleil. Elle marche sur la plage avec une petite bouteille. C'est cette, c'est ma ballet. Puis la voir sur la two-step disco. Disco, disco, disco, disco. Go back à l'état d'avant. Page blanche, plume rouge, c'est ma lettre d'amour. Lettre d'amour, c'est ma lettre d'amour. Sur la notebook, remake, carpool, speed date, call, move back. Un petit rappel juste qu'est-ce que t'es. C'est que c'est pas ma faute si j'ai oublié. Non-stop, bebop, pit stop, say. Jaw drop, bebop, toute la veille. Buzzy, bees, les abeilles. Tout ce que ça prend pour nous envoler. So say le disco, gypsy, jazz. Jazz, jazz. C'est la gale avant, y'a la gale avant. Say le disco, gypsy, jazz. Jazz, jazz. C'est la gale avant, gale, gale avant. C'est la gale avant que j'ai marqué la mood. A fortune cookie dans mon Chinese food. Ooh, I-E-O, l'onomatopée. Send jigs, send jazz, des petits disco jazz. Si chers dans les soirées, puis le monde qui se passe. Pour la slow-mo, logo. Motion, la vie avec un logo. Yabba-dabba-doo, dibba-dabba-doo-bae. Y'a de l'aisant dans la chaise, un bon tu restes la soirée. Sur la gale avant, c'est quoi c'est? C'est ma getaway. So say le disco gypsy jazz. Jazz, jazz. C'est la gale avant, gale, gale avant. Ooh, ooh, ooh, ooh. Say le disco gypsy jazz. sur la chaise, qu'on fait du panier aux fraises. Gentleman, specimen, c'est ça qu'il faut la faire. Bouquet de fleurs, dans une l'air, dis like tu l'aimes. Oh, t'as qu'à péter une bitch, appelle la jamais une chienne. C'est la gala avant every day. 30 secondes pour se parler. Kit Kat, chit chat, bec sucré. J'ai dit non, elle a dit no way. C'est même qu'on flotte, oui, c'est même qu'on se promène. Easy breezy, c'est la way, but c'est jamais la même. J'étais au bal hier soir, j'vais retourner hier soir. Moi j'connais personne que des longues vacances pour moi. J'étais au bal hier soir, j'vais retourner hier soir. Moi j'connais des personnes qui m'ont galavanté ça. Il faut que tu danses. temps, penche, penche, pick up ton cash. J'oublie ton nom, comment qu'on t'appelle? Mais c'est alright, j'en ai trouvé une plus belle. Mais me mets en l'air quand j'suis dans la crowd. Me mets en l'air quand j'suis dans la foule. J'suis point sous assez, j'suis point chez OSA. J'veille un autre drink avec une umbrella. Un autre drink pink avec tes mains en l'air. Élimine le compteur, c'est minère, c'est la terre. Moi j'dis brûle en enfer. Si t'es contre ça, lève tes mains en l'air. Si t'es pour ça, en tout cas, brûle ça. Lève tes mains en l'air, lève tes mains en l'air. Élimine le compteur, c'est minère, c'est la terre. Moi j'dis brûle en enfer. Si t'es contre ça, lève tes mains en l'air. Si t'es pour ça, en tout cas, brûle ça. Lève tes mains en l'air. Lève tes mains en l'air, fais des foleries. Fais des faces, fais des gestes, fais ton Napoli. Dans les clubs, il faut que tu walk, yes, il faut que tu cries. Ça super faux comme un chimpanzé. Watchez-vous le mal avant. Et c'est du whisky. Ses mains qui se baladent, les yeux glossy. Faut qu'il slide around, faut qu'il bounce around. James Brown, boogie down, j'aime la way qui se sound. La soirée est finie, là tu cherches la viande. Un hot dog, tu l'ondes. De quoi de mieux, come on. Combo take out dark meat, white meat and blonde. Avec ce Walker et body Johnny Walker. Il chante un chorus, mais il oublie les mots. Y'a Alzheimer's, Pierce pense qu'il est sous le trou. Il dit non, je point bu, mais le monde a point cru. La seule fois qu'il compte, c'est ses mains sont l'air. Il danse avec mes ex, puis tout mes belles-mères. Il danse avec mes ex, puis tout mes belles-mères. Vous êtes à l'écoute d'un guide de l'utilisateur d'assemblage requis sur vos entrevues préférées de 2010. À venir après la pause, Dali Placard et Chantal Archambault. De retour à ce guide d'utilisateurs d'assemblage requis sur nos entrevues préférées de 2010. Plus tard, Chantal Archambault, mais pour l'instant, voici Dali Placard. Diffusion originale, 14 octobre. Dali Placard, qu'on a en entrevue en ce moment même par téléphone. Salut, Dali Placard. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben, super. Merci d'être avec nous. Ah, mais ça fait plaisir. Super. T'es avec nous pour parler, entre autres, de ton plus récent album, Placard. C'est ton troisième album, on dit solo, en guillemets, mais on va revenir sur le fait que c'est pas tant solo, hein? Ouais, mais c'est ça. C'est, on appelle ça un album solo, mais c'est plus un album de band, là, d'où le nom. C'est pour ça qu'on appelle ça Placard, là, on enlevait le dernier, mettons. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu t'es entouré de gens qui te suivent depuis quand même relativement longtemps. Ouais, mais c'est les boys qui me suivent dans la tournée depuis... peut-être 2 à 3 ans, ça dépend. Comme Tiotto de Macbeth, que j'ai fait un disque avec, puis l'autre fait là sur la tournée de raccourci. Hein. Ouais, c'est ça. Ben justement, t'as fait des collaborations avec eux. Là, celui-là, c'est plus avec ce band-là en tant que tel, mais t'as fait plein de collaborations. C'est quoi ça? Tu voulais revenir à ta source, quoi? Ouais, ben un petit peu comme dans le temps de Plywood 3 Quarts, pour sentir qu'on était vraiment comme un band. Puis en même temps, c'est surtout parce que je voulais m'en aller ailleurs. Tu sais, je voulais pas revenir dans le folk et tout ça. Moi, je suis quand même assez folk. Puis, ouais. Je voulais comme aller cuiser peut-être dans d'autres influences. Okay, bah, mon nourri de nouvelles musiques que je connaissais plus ou moins. Ouais. Ils ont mis vraiment leur grain de sel sur le disque. J'ai pratiquement rien dit. Je vous ai laissé faire ce qu'ils voulaient. De l'improvisation de leur côté. Le style, tu dis, qui a changé pas mal depuis ton dernier album, qui était plus folk. Là, on met tout le temps l'étiquette pop-rock là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses de cette étiquette-là? Est-ce que ça te dérange? Ou? Non, ça me dérange pas pantoute. Je suis parfaitement d'accord. C'est pas parce qu'on dit pop que c'est pas bon. Pas pour dire que mes choses sont bonnes, là, pas, mais il y a de la bonne pop. C'est pas juste des affaires... trop grande écoute puis préfabriquée. Il y a des affaires excellentes qui se font en pop. C'est ça, j'ai lu que tu étais tanné d'entendre le... Mais en fond, tout le monde disait que tu parlais tout le temps de pick-up dans tes chansons. Je sais pas si c'est quelque chose c'est que... C'est vrai. C'est ça. Est-ce que tu étais tanné de parler de pick-up toi-même ou est-ce que tu étais tanné d'entendre les gens dire que tu n'arrêtais pas de parler de pick-up, mettons? Non. Moi, en fait, je me suis jamais fait dire que je parlais trop de pick-up. Okay. C'est juste que je sentais que j'avais besoin d'aller ailleurs puis...

Ah, c'est sûr qu'on va y aller. Parfait. Est-ce que tu veux nous choisir une pièce avant de se quitter? N'importe quelle pièce de l'album Placard, garde-toi. Je sais pas, tu peux mettre peut-être Ariane pour faire changer de Mme Lou. OK, bon ben parfait. On va l'entendre, Ariane, tout de suite au Palmarès C'est fou. Merci beaucoup, Dany Placard. Merci à toi, bye. Bye. Dany Placard en direct de son téléphone et dans le nôtre ici au Palmarès C'est fou. On écoute Ariane de Placard. À l'instant. Toujours sur la ligne jaune en BC4 pédale. Ariane manquait souvent l'école. Elle allait courir nu pied dans la ruelle. Elle aimait avoir mal. Au moins une fois par semaine, elle se cognait la tête assez fort pour se faire voir des étoiles. Dany Placard et la pièce Ariane. Après deux jours de route dans le désert, tu t'es mis à penser à ta mère. Les tempêtes pis les bonnes. Je commençais à te manquer. T'avais rien que le goût d'orvirer. Tu comptes en mille les jours qui s'éloignent. En arrière du trailer de ton troc. C'est bien beau les États-Unis, mais tu t'ennuies de ta femme et puis de tes petits qui t'attendent à Chicoutimi. Et puis le Mexique. Pendant que le lift de l'autre ton truck, tu leur expliques avec ton anglais. faire ça vite. Parce que tu veux ça, quelqu'un dit. Le soleil vient de mourir, tu peux enfin partir. La fatigue se fait sentir, et puis l'ennui te fait souffrir. Tu sors tout ce qui traîne comme photo dans le fond de ton portefeuille. Habité, c'est à la côte de toi, sur le siège du Alpha. Les lumières du Dash viennent éclairer ce qui compte le plus. Guide de l'utilisateur d'assemblage requis sur nos entrevues préférées de 2010. À venir, Our Book and the Authors et Vincent Vallière, mais pour l'instant, Chantal Archambault. Diffusion originale, 21 octobre. Maintenant, ben, tout à l'heure, on va entendre Chantal Archambault à position numéro 3, mais elle est au téléphone avec nous en ce moment même, en direct. Bonjour Chantal. Salut. Ça va bien? Oui, merci, toi? Ben, super, merci d'être avec nous. On va commencer en parlant un petit peu de ta carrière, pour ceux qui te connaissent peut-être moins ou pas du tout. T'es arrivé dans le domaine de la musique quand même semi-récemment, en 2007. Comment est-ce que ça a débuté pour toi? Ouais, ben en fait, j'habitais à Montréal dans ce temps-là, puis j'ai comme recommencé à écrire des chansons parce que je retournais à l'école, puis là je me retrouvais paumée, puis je trouvais donc bien que j'avais pas de créativité dans ma vie, puis je sais pas pourquoi j'ai comme repris ma guitare, puis ça a comme sorti tout seul. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis remis à écrire, puis ça a jamais arrêté. J'ai sorti un premier album en 2008 à Val-d'Or parce que je suis retournée en région. Puis cet album-là a passé un petit peu plus dans l'ombre. Là, c'était fait indépendant. Ouais. Puis on n'a comme pas poussé. Mais il y a quand même un bel écho en Abitibi. Puis ensuite, là, un an, ben j'ai rencontré Danny Placard qui lui m'a remarqué dans en faisant des spectacles ou avait entendu un peu ce que je faisais. Puis ça y a comme sonné une cloche comme quoi il aimerait réaliser mon prochain album qui je savais pas qu'il existait en fait là. Fait que finalement ben c'est ça, on a travaillé sur un album pendant un an, puis il est sorti le mois, ben en fait on a fait un coup d'envoi au FME, au Festival de musique émergente à Rouen au début septembre, puis là ben il est sorti la semaine passée mardi en magasin et tout là. Justement, tu parles du fait que tu as fait ton lancement d'album au Festival de musique émergente. Comment tu as trouvé ça de lancer ton album devant ton peuple, ta patrie? Ah, ben tu sais, c'était comme... dans le fond, on voulait faire un spectacle. On avait comme été sélectionnés pour faire le spectacle, puis le lancement a fité avec ce spectacle-là. Puis c'est sûr que ça me tenait à cœur là, de le présenter en avant du monde qui me supporte depuis le début. Là, fait que non, j'étais bien contente, j'ai eu un bel accueil, puis c'est le fun. Ouais, tu vis encore là-bas en Abitibi, est-ce que tu penses être dans... Est-ce que tu es là pour rester finalement, c'est ça que je te demande, est-ce que tu vas t'en aller dans les grandes villes? Ben tu sais, j'ai resté à Montréal 7 ans de temps, okay. Puis je suis retournée, tu sais... dans le fond, en toute connaissance de cause, là, tu sais, j'avais envie de retourner en région, ma famille, mes amis, pis tout ça. Puis, mais dans le fond, j'ai un emploi présentement qui m'offre une super belle flexibilité. Fait que, comme là, je viens de passer 2 semaines à Montréal, j'ai passé l'été au complet ici. Okay. Puis, fait que, tu sais, je suis comme entre les deux, puis j'ai vraiment pas de problème à faire la route, là. Je l'ai toujours fait, puis ça, c'est pas quelque chose qui me pèse, là. Fait que, j'ai une chance, justement, d'avoir les deux côtés de la médaille, là, la stimulation de la ville, puis la paix de l'Abitibi, là. Fait que, non, je bougerai pas de là. Et justement, l'album, c'est Danny Placard qui l'a réalisé, mais toi, tu étais à Val-d'Or et lui, il était resté à Montréal, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé, dans le fond, tout faire ça à distance, pas ensemble? Ben en fait, je suis montée, ben en fait, descendue. Je suis descendue souvent à Montréal pendant l'année, mais je faisais vraiment, vraiment gros confiance à Danny parce que, je sais pas, il a vraiment su me saisir là, à 100 000 à l'heure, fait que des fois, il prenait des initiatives avec les musiciens, il enregistrait des choses sans que je sois là, puis il me montrait le résultat, puis à chaque fois, j'étais comme bien contente, puis sinon, ben tu sais, on travaillait, quand je venais passer des fois une bonne semaine, puis là, on en faisait un bout, puis fait que on a fait ça à distance, puis à Bonne Franquette aussi, là, on a fait ça dans sa chaîne, oui. Son studio chez eux, puis moi, c'est ça que je voulais, là, tu sais, le premier, je l'ai fait chez nous avec, tu sais, pas broche à foin, mais tu sais, je veux pas que ça soit trop aseptisé, sonorité studio. Ouais, léché. Ouais, c'est ça. Fait que j'appréciais que Danny, tu sais, travaille dans un genre de contexte comme ça qui a aussi pas de pression. Mm-hmm. Tu sais, on paye pas le studio à l'heure, là, puis il faut qu'on gaule. Fait que ça nous a permis d'avoir du plaisir puis de pouvoir créer en même temps. Ben oui, c'est ça. Si t'as pas de plaisir, ça sert à quoi, tu sais? Ouais, c'est ça. T'as travaillé avec d'autres gens qu'on connaît sur ce CD-là, autre que Danny. Peux-tu nous mentionner quelques noms? Oui, ben en fait, c'est des gars qui jouent de la musique avec moi présentement aussi. Il y a Michel-Olivier Gasse qui joue avec Vincent Vallière. Oui. Il y a Guillaume Bourque qui, lui aussi, en fait, lui, c'est plus la slide, le banjo, tout ça, qui joue avec Eve Cournoyer, par exemple. Puis Jean-François Minot qui est le drummer. Lui, il joue avec Bateau Noir. Fait que, tu sais, c'est tous des musiciens qui sont... Qui sont vraiment très, très bons. C'est là. Ça, ben j'ai, oui. J'ai comme une grande chance de jouer avec eux autres. Puis c'est comme les musiciens à Danny aussi, là, fait que on est comme un peu co-sanguin, là, ces temps-ci. Là. Puis je joue avec Danny aussi, là, il joue de la guitare avec moi. Là, fait ouais. Tu joues de la guitare, justement. On t'appelle souvent, on entend le terme multi-instrumentiste pour te décrire. De quels instruments est-ce que tu joues autre que de la guitare? Mais en fait, c'est un drôle de... C'est un site, je joue pas mal juste de la guitare. C'est sûr que multi-instrumentiste, c'est un grand mot parce que... Un long mot. Ouais, c'est un long mot. Deux mais c'est plus parce que je suis pas bonne dans tous les instruments là, tu sais, j'effleure un peu de tout, je touche à tout, mais tu sais, je suis pas une musicienne là, tu sais. Dans le fond, je joue de l'accordéon, tu sais, du piano, j'ai joué tu sais, du xylophone, mais tu sais, on s'entend-tu que tu sais, je suis pas la grosse affaire, tu sais, je joue de l'auto-harpe, mais pour le moment, ces temps-ci, c'est pas mal. Je fais pas mal les shows avec la guitare, mais tranquillement, on va réinsérer d'autres instruments. Là. OK. C'est quand même bien, puis c'est quand même mieux que ceux qui se disent multi-instrumentistes parce qu'ils jouent du triangle. T'sais. Ouais. Mais tu sais, le xylophone, j'aurais pu le tasser de cette liste-là. C'est ça comme par rapport. Ben, ça en fait le plus, c'est fun. Ton style est vraiment country folk. On dirait que ça commence à avoir du succès. Je sais pas si je me trompe. Peut-être que je suis complètement dans le champ. Mais tu sais, on peut penser en ce moment, juste dans le palmarès de C'est Fou, on a Danny Placard, on a toi, on a les frères Goyette, Kaloun Saloon. Plein de choses, tu sais, disons le country, pas mal. Ça c'est le country. Pourquoi est-ce que tu penses que le monde aime plus ça qu'avant? Oh mon Dieu, peut-être que juste parce que ça revient, là, on s'attendait-tu à ce que le fluo revienne, puis la mode American Apparel, là, on s'entend-tu qu'on... En tout cas, v'là pas long, hein, c'était pas quelque chose qui fitait avec nous autres, tu sais, qu'on aurait pensé que ça reviendrait, mais le country, c'est un peu pareil, là, quand on était adolescent, c'était vraiment pas in. Mm-hmm. Puis là, je sais pas si c'est des sonorités qui, justement, ça fait longtemps qu'on n'a pas revisité, là, ça nous ramène à, je sais pas, à des sons qui nous ont marqué à un certain point, peut-être dans notre inconscient, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça revient, puis on apprécie ça. Il y a différentes influences aussi qui se joignent à ça, comme, tu sais, moi, on parle de country folk, mais c'est des instruments pas mal, là, qui donnent cette touche-là. Ouais. Parce que, tu sais, le niveau, au niveau des écrits, oui, il y a les paroles qui rejoignent les thèmes amoureux, là, tu sais, qui touchent le country, mais sinon, les images que j'utilise dans mes chansons, c'est pas nécessairement quelque chose qui est familier avec, tu sais, l'essence du country. Ouais, ouais. On le compare à Kate McGurgle, Mara Tremblay. Ouais. On lit ça des fois dans des affaires qu'on lit pour se renseigner. Mais aussi Damien Robitaille en fille. Oui. Est-ce que c'est. Ça, c'est peut-être un peu gênant, mais sinon, est-ce que c'est gênant ou flatteur en général de te faire comparer à des artistes? Ah, c'est flatteur! Ouais. Ah oui, c'est flatteur. Mais tu sais, tout le monde compare, il faut comparer dans la vie, sinon c'est vrai. Ça ne donne pas de repères. Là. Mm-hmm. Fait que moi, je vois vraiment pas ça comme gênant. Ah non, puis tu sais, c'est ça. Non, je vois. C'est des bons noms. Oui, ouais, c'est fun. Ça, si on le comparait à des affaires push, ce serait plat. Hein? Ouais, c'est je pensais que tu allais me demander à quoi je me comparais de poche. Ouais, c'est une question comme une autre. Moi, je n'ai pas pensé, je vais t'en venir là-dessus. Ouais, c'est ça, parfait, tu nous rappelleras. Je disais que t'es une fille de nature, c'est vrai? Ouais. Est-ce que c'est ce qui t'inspire pour la musique ou sinon, qu'est-ce qui t'inspire autre? Ben, c'est sûr que oui, ça m'a inspiré la nature. Là. J'ai composé gros en retournant en Abitibi. Puis quand j'étais à Montréal, peut-être que ça m'inspirait aussi vu que j'étais loin de tout ça. Mais ces temps-ci, c'est le dernier album est pas mal inspiré d'histoires d'amour, autant les côtés qui sont vraiment positifs, là, les bonheurs amoureux que les ruptures puis les déchirements. Là. Mmh. Fait que c'est pas mal ça qui ressort du dernier album, en plus justement de cette thématique-là un peu plus rustique de bois. Là. Aha. Justement, revenons même juste au nom de ton album, La romance des couteaux. C'est ça décrit pas mal l'album, tu trouves, La romance des couteaux? Oui, ben en fait, c'est deux images qui me parlaient de deux émotions qui sont pas supposées d'être ensemble. Tu sais, la romance et les couteaux, ça va pas nécessairement ensemble, sauf que il y a des fois dans la vie où les choses se passent pas nécessairement comme on voudrait, puis que ces émotions-là se rencontrent, fait que ça crée toutes sortes de ça crée toutes sortes de choses, toutes sortes d'émotions, toutes sortes de trucs très inspirants pour écrire des chansons. T'as signé avec Indica, et puis oui. On dit à travers les branches que deux compagnies se sont presque battues à la mort pour t'avoir. Ah ouais, tu sais, à coups de couteau, justement. Ouais, genre, c'est le fun, ça? Oui, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, c'est le coup du call-in tout en même temps, juste avant que le CD sorte, ouais. Ça a été OK, qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, c'est vraiment très touchant de voir qu'il y a une réception, des belles réponses. Mm-hmm. C'est assez majeur. Mettons que ça va t'amener loin, probablement. Je le sais pas, mais ben, on verra bien. C'est ça, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans le futur? Ou encore, question alternative, où est-ce que tu aimerais ça s'en aille? Ah, ben en fait, moi, j'ai jamais eu d'attente, puis je veux continuer à rester dans cette vibe-là. Il m'arrive tellement de belles affaires depuis que j'ai commencé à faire de la musique que j'apprécie tellement à chaque fois qu'est-ce qui m'arrive, justement parce que j'ai pas comme de planning, puis je cherche pas à ce que ça aille plus loin, puis tout ça, tu sais. On n'a jamais rien poussé, puis ça nous a peut-être toujours... souri dans le fond, là, fait qu'on est bien chanceux. Fait que je reste un peu dans cette attitude-là, c'est sûr que, tu sais, là, je vois qu'il y a une belle réception, puis ça donne envie, tu sais, de le partager, de pouvoir pousser ce projet-là un peu plus loin, fait que c'est sûr que, tu sais, j'aimerais pouvoir voyager avec ça à travers le Québec, puis peut-être ailleurs, mais, tu sais, j'aime pas bien ça, comme avoir des gros plannings ou des gros rêves, là. J'aime ça bien laisser aller ça, là, puis voir qu'est-ce que ça offre de soi par soi. Là. Ah, super. On va parler de tes spectacles un petit peu qui s'en viennent. Tu es demain, 22 octobre, à 20h, en première partie de Joseph Arthur au Théâtre Petit Champlain. Ouais. C'est bien ça. Ça va être super, ça? Ça va être fun? Oui, mm-hmm. C'est le fun. Mm-hmm. Puis vendredi, 23 octobre, aussi à 20h, la soirée bénéfice pour jeunes musiciens du monde à l'Impérial de Québec. Ouais. Et puis au Cucœur francophone au Divan Orange le 6 novembre. Donc, le petit planning à court terme, mettons, on s'en mettra pas trop chez les épaules. Ouais, non, c'est ça. Puis je pense que ça va être quand même assez relax là, d'ici Noël, là, mais après ça devrait être plus. On devrait en faire un petit peu plus là, des choses qui se trament là, tranquillement au niveau du booking. Là, fait que ça devrait sortir sur MySpace éventuellement. Là. Exact. On va surveiller ton MySpace. C'est myspace.com/achantal. Oui, c'est ça. Et puis sinon, il y a sur le site d'Indica. Oui, il y a le site d'Indica, puis il y a aussi sur Facebook. Ah, bien sûr, on va te liker à la tonne. Donc, ton album La romance des couteaux, Chantal Archambault, disponible maintenant. Merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. Est-ce que ça te tenterait de choisir une pièce de ton album? N'importe quelle. N'importe quelle. Oui, aucun baillon. Tantôt, tu as dit que j'étais dans le top 3, c'est laquelle? Oui, c'est Caval qui est dans le palmarès, donc n'importe quelle sauf celle-là, fait qu'il y a ce baillon-là. Cool. Ouais. Ben, peut-être Poil à bois. Poil à bois, d'accord. Oui.

s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Complètement démodé. Quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester. Quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent. Quand on lèvera les voiles devenus de la poussière d'étoiles. On va s'aimer encore après nos bons coups, après nos déboires, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore au bout du doute, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer. Dans le jukebox, un bac bien flat, un fond de scotch, ma tune de Dylan qui part, éternel bilan qui repart, ça sert plus à rien de se voir. Corps de pièce dans le téléphone. Six coups qui sonnent, pis y'a personne. Encore ma vie qui est en retard. Tout seul à ben trop le savoir. Ça sert plus à rien de se voir. Ça sert plus à rien. Vie de l'autre bord, je l'aime ben trop fort, et malgré tous les remords, malgré les détours bizarres, je garderai ton sourire quelque part. Ça sert plus à rien de se voir. Dans le fond d'une poche, lancé dans les airs, juste pour la loque. Et puis je m'en retourne de mon bord. On peut pas refaire l'histoire. Ça sert plus à rien de se voir. Ça sert plus à rien. Il est temps de retourner dans le rein. En plein, la vraie vie de l'autre bord, je l'aime ben trop fort, et malgré tous les remords, malgré les détours bizarres, je garderai ton sourire quelque part. Il est temps de retourner dans le rein, le cœur en plein. La vraie vie de l'autre bord, je l'aime ben trop fort. Et malgré tous les remords, malgré les détours du sort, je garderai ton sourire quelque part. Ça sert plus à rien de se voir. Ça sert plus à rien. C'est ce qui termine ce guide de l'utilisateur d'assemblage requis, entrevue préférée, deuxième partie. Je remercie Kiwan, Stéphanie Gagné et François-Olivier Marchand qui ont co-animé l'émission avec moi à tour de rôle depuis le début de l'année. Je vous rappelle que l'émission prend congé pendant les fêtes. Nous serons de retour en direct le lundi 10 janvier 2011. Mais d'ici là, nous en profitons pour vous faire entendre ou réentendre quelques-uns de nos moments préférés dans quatre émissions spéciales. Surveillez l'horaire de nos autres émissions, Phénomène Beatles ainsi que spécial Kiwan et Mathieu sur assemblagerequis.com. Vous trouverez aussi toutes nos émissions en balado-diffusion. Merci d'avoir été à l'écoute de ce guide d'utilisateurs d'Assemblage Requis. Bonne journée et à bientôt!